Chapitre 3e. Nous sommes groupés au milieu de la plaine, surpris, silencieux, indécis. Yaha s'est débarrassé de son fardeau. Puis assis dans sa pose hiératique accoutumée, il ne perd pas de vue le vaquero, éloigné de nous de plus de 500 mètres. Lina s'est rapprochée de Lucio, se tient un peu en arrière de lui, suit, anxieuse, chacun de ses mouvements. José seul se tient à l'écart de notre groupe, fait aller et venir Martin qui voudrait avancer et le manifeste en braillant. À la fin, tous les regards se concentrent sur moi, attendant un ordre que j'hésite à donner. Nous voyons stationnaire, Severino abandonne l'ombre du palmier, s'avance au pas. Lucio, José et Yaha, d'un mouvement commun, se tiennent prêts à tirer. Le vaquero s'arrête. Est-ce un ennemi ou un ami qu'il se rapproche? Voilà, à mon avis, un point qu'il importe d'éclaircir. S'il n'avait de mauvaises intentions, me dit Lucio, il aurait mis pied à terre en nous apercevant, entravé son cheval et viendrait à nous désarmer. Ici, comme de la forêt, seigneur, il cherche l'occasion de se débarrasser de l'un de nous, soyez-en certains. Nous sommes quatre et il est seul, Lucio. Or, si fort qu'il prise son courage et méprise le nôtre, il doit nous redouter. Lucio secoue la tête. Il veut Lina, dit-il crûment, et sait qu'il ne peut l'avoir de gré. Aussi, pour réaliser son désir, il aura recours à la ruse ou à la force, croyez-le. Si dans la forêt, alors qu'il marchait sur nos talons, notre méfiance ne l'avait tenu à distance, si nous avions eu l'imprudence d'allumer un feu, vous, moi, Yaha et José, nous serions depuis longtemps couchés sous les cèdres, endormis pour jusqu'à l'heure du jugement dernier. Est-ce donc par ruse qu'il a cessé de nous suivre? Non. Il a dû être forcé de le faire. N'ayant pas comme nous une provision de galettes de maïs et d'eau, il nous a devancés et est allé se ravitailler sur les bords du rio d'Amatlan. Maintenant, alerte et dispo, il va tenter de nous barrer la route, de se donner pour auxiliaire la faim, et surtout la soif, qui déjà, pour ma part, me tourmente plus que de raison. Tu crois qu'il réussira? À nous tuer l'un après l'autre? Dit Lucio en m'interrompant avec vivacité. Il y réussira certainement, si nous ne veillons à l'en empêcher. À ce propos, seigneur, je me permets de vous en avertir une fois pour toutes. Vous ne devez, jusqu'à nouvel ordre, vous occupez ni des petites bêtes, ni des papillons, ni des oiseaux, ni des plantes, mais de votre peau. Et à l'occasion de la mienne, et de celle de nos compagnons, à titre de revanche. Je vous recommande aussi de ne pas vous endormir sur cette idée dangereuse, que Severino est un, et que nous sommes quatre. Il est donc bien redoutable, ce vaquero. Il nous vaut, tout simplement. N'êtes-vous pas convaincu que si vous tirez sur une bande de canards, vous avez plus de chances d'en manquer un à votre souper que si vous tirez sur un seul? Tu as raison. Pourtant, avant tout acte d'hostilité, si, désarmé, je me rendais près de ce chrétien pour connaître ses intentions, cela nous épargnerait peut-être des regrets. Jusqu'à présent, nos craintes, remarque-le, sont de simples suppositions. Pour vous, seigneur, qui avez l'âme généreuse et charitable, mais pour moi, qui l'ai méfiante, voire quelque peu malicieuse, j'en conviens. Ces craintes sont si bien des certitudes que si contre mon gré vous tentez l'aventure dont vous parlez, je vous demande dès à présent votre bénédiction, puisque je ne vous reverrai que mort. Alors, que devons-nous faire? Rétrograder? Non. Attendu que ce serait déplacer le danger, non l'éviter. Ce qu'il faut faire, je le dis sauf meilleur avis, c'est de pointer vers la rivière qui vraisemblablement est devant nous. Qu'il faut atteindre même au prix de quelques écorchures, vu qu'en arrière c'est la mort, non seulement par la faim, que l'on supporte longtemps, mais par la soif, dont vous êtes déjà à même d'en juger. Les tortures n'ont d'équivalent que celles de l'enfer. Si vous voulez bien m'écouter, nous allons marcher de front, à bonne distance les uns des autres, pour nous montrer plus malins que les canards. Alors, si cet homme s'approche de l'un de nous à bonne portée, celui-là doit tirer sur lui. Et surtout bien viser, seigneur, car la poudre par ici ne se trouve pas facilement. Je fais un geste de répugnance. Soyez tranquille, maître, se hâte d'ajouter Lucio. Ce n'est pas vous qui tirerez le premier, et Severino, j'en jurerai, ne tardera pas à vous enlever vos scrupules. Yaha et José soufflent, signe chez eux non seulement d'approbation, mais de satisfaction. C'est que, bien que les uns soient pères des autres, il y a antipathie entre les Indiens et les Métis. Ceux-ci se tenant pour supérieurs à ceux-là par ce double fait qu'ils ont du sang européen dans les veines et parlent la langue des Blancs. Ici, la haine de Yaha et de José est justifiée, excitée, par l'attentat dont Lina a failli être victime. Quant à Lucio, jeune, brave, aventureux, il aspire certainement à combattre pour et sous les yeux de la séduisante Lina, qu'il aime et par laquelle son entrain et sa bonne humeur me portent à le croire. Il se sent et se sait aimé. Nous avons repris notre marche. Yaha, Lucio et José cheminent sur une même ligne. Et c'est moi qui maintenant guide le capricieux Martin en compagnie de Lina, dont je suis le défenseur attitré. En cas d'alerte un peu vive, il ne faut pas oublier que Severino a sur nous l'avantage d'être à cheval, la jeune fille aura pour rempart le corps de l'âne. Je dois donc me tenir un peu en arrière, bien que Martin, qui a soif et n'est pas jeune pour rien, s'efforce de prendre les devants. Je n'ai pas à le stimuler. J'ai au contraire à le contenir, ce qui n'est pas une médiocre tâche. Lina, vaillante, voudrait elle aussi marcher au premier rang. Parfois elle me devance et se dirige du côté de Lucio. Je la rappelle à la prudence. Elle m'obéit, docile, mais me parle aussitôt de mon guide, de son pas résolu. Je lui fais remarquer qu'il se retourne souvent pour regarder de son côté, ce qui la fait à la fois baisser ses paupières, sourire et rougir. Comme c'est charmant l'amour, et aussi les amoureux lorsqu'ils ont 20 ans. Le soleil est au zénith du ciel sans nuages. Ses rayons nous brûlent. Notre allure martiale se relâche peu à peu. Nous marchons la tête basse dans l'air qui vibre surchauffé, embrasé. Il nous faut faire un long détour pour passer à distance d'un bouquet d'arbres dans lequel Severino a pénétré, s'est abrité. Pas d'oiseaux autour de nous, mais au-dessus de nos têtes tournoient, lents, calmes, majestueux, de sinistres vautours noirs. De temps à autre, nous saisissons machinalement nos gourdes, oubliant qu'elles sont vides. Un braiement de Martin, bref, sans reprise, semble un cri de détresse. Il a lui aussi perdu son ardeur, le petit Martin. Et la tête basse, les oreilles basses, il glane au passage quelques brins d'herbe, les mâchonne, ne parvient pas toujours à les avaler. Il est 5 heures, nous sommes exténués, et la forêt vers laquelle nous avons marché est encore trop éloignée pour que nous puissions l'atteindre avant la nuit. Il faut songer à camper, et pourtant là-bas, derrière les arbres que l'obscurité rapproche de nous, doit couler le rio d'Amatlan. Un vol d'ibis rose, poursuivi par un faucon, vient en quelque sorte de nous le démontrer. Au-dessus de nous, jacassant, revenant du pillage de quelques champs de maïs, passent des couples de perroquets. Nous avons çà et là glané quelques baies sauvages, fruits âpres, qui ont paru apaiser notre soif, laquelle se réveille plus ardente. Campons ! Je l'ai prononcé, ce mot attendu et redouté, au moment où nous allions dépasser un bouquet de palmiers, alors que, debout sur ses étriers, la main ouverte placée au-dessus de ses yeux, Severino essayait de nous apercevoir dans les rayons du soleil couchant. Nous voilà dans l'obscurité, dans le silence. La lune ne paraîtra que dans quelques heures, et nous demeurons mornes. Nulle brise. Lina, épuisée, mais qui n'a proféré aucune plainte, se roule dans sa couverture, s'étend sur le sol chauffé. Lucio et José, qui se sont donné le mot, ramassent les gourdes et résolus se dirigent vers la forêt, à la recherche de la rivière, dont une buée vermeille, planant au-dessus des arbres pendant la courte durée du crépuscule, nous a une fois de plus confirmé la présence. Ce n'est ni sans inquiétude ni sans appréhension que je suis du regard mes compagnons, dont la taille s'amoindrit insensiblement, qui bientôt sur la plaine ne sont plus que de vagues ombres. Yaha, appuyé contre le stipe d'un palmier, peut les suivre plus longtemps que moi. En dépit de son âge, sa vue, que ni les livres ni l'exercice d'un métier n'ont usé, est puissante et perçante. Il voit, et me le dit, nos compagnons pénétrer parmi les arbres, disparaître. Il s'étonne de ne pas découvrir Severino, scrute la lisière du bois, pousse une exclamation. Il vient de distinguer le vaquero, toujours à cheval, perdu dans la ligne d'ombre projetée par les arbres. Il n'a pas vu, pas soupçonné, la marche oblique de José et de Lucio, car c'est vers le bouquet de palmiers où il nous croit tous campés que la tête de son cheval est tournée, que son attention est concentrée. Un éclair dans le ciel, une détonation, puis une fusée s'épanouit au loin. C'est un des signes d'appel des rancheros établis dans les solitudes de la terre chaude, une convocation pour un bal, une ferrade, une chasse aux chevaux ou aux taureaux sauvages. 3 nouvelles fusées, distantes de quelques lieues les unes des autres et de la première, répondent. La lune ne peut tarder à paraître, et Yaha me propose de nous avancer dans la plaine afin de pouvoir, au besoin, protéger le retour de José et de Lucio, qui, cette fois, ne passeront peut-être pas inaperçus. J'approuve l'idée de mon compagnon, mais je lui montre Lina endormie qu'il serait prudent d'éveiller, de prévenir, d'emmener. Yaha secoue négativement la tête, me dit de rester, s'éloigne. Je l'appelle pour lui faire quelques recommandations, et le bruit de ma voix, bien qu'assourdi avec intention, n'a d'autre résultat que celui d'éveiller Lina. Elle se soulève, elle se dresse avec indolence, la voilà debout. Drapée dans sa blanche couverture, la jeune fille vient à moi avec lenteur, s'étonne de me voir seule. Je lui explique le départ de son grand-père, puis je déplore, vu le succès de Lucio et de José, qui ont pu sans encombre atteindre le bois, que nous ne les avons pas suivis. Lina à droite, le regard fixe, semble ne pas bien comprendre ce que je lui dis, me demande à boire. Sa voix est sourde, étranglée, sifflante, elle articule avec peine. Je prends sa main, que je sens brûlante, je lui dis de patienter. Mais ce n'est plus doucement qu'elle me demande à boire, c'est impérieusement, durement. Je la calme, je l'engage à se recoucher. Elle se résigne, obéit. Je retourne à mon poste d'observation, sondant anxieux l'obscurité. Soudain, un demi-braiement retentit, et Martin, libre, passe au galop devant moi, se dirige vers le bois. Comment a-t-il pu se détacher ? Je me retourne et je vois Lina, debout, à la place qu'il occupait. Je cours à la jeune fille, elle me demande à boire d'une voix si plaintive, si soumise, joignant ses mains, me priant d'une façon si touchante que j'en suis bouleversé. Elle croit boire, elle croit entendre couler de l'eau, tend vers moi sa bouche desséchée, avide. Elle est en proie à la fièvre de la soif, au délire de la soif, s'irrite de ma lenteur à la satisfaire, appelle son frère, son aïeul. Puis, croyant voir en moi Severino, s'épouvante et me fuit. La lune se lève, dépasse le sommet des montagnes situées à ma gauche, monte, plane. À l'indécise lueur des étoiles succède une lumière blanche et Lina pousse des cris rauques, qui sont des cris de joie. En tous sens, autour d'elle, elle voit des lacs, des torrents. Elle rapproche ses mains, s'en fait une coupe, s'agenouille, puis une onde imaginaire et sans relâche fait le simulacre de boire. Tout à coup, cessant sa douloureuse pantomime, elle déclare d'une voix déchirante que l'eau la brûle, au lieu de la désaltérer, qu'elle est damnée, et elle invoque Dieu. Deux détonations, deux coups de feu se succèdent, je me précipite en avant des palmiers. Dans la plaine, Lucio et José, espacés, semblent chasser de mon côté Severino, qui fuit à toute bride, auquel Yaha barre la route vers la gauche. Le vaquero va passer devant moi, et je me dispose à le saluer de cuisante façon en me portant à sa rencontre. Il a passé à fond de train, j'ai tiré sur son cheval et ne l'ai pas atteint puisqu'il continue sa course. Mais je reste pétrifié. En avant du métis, dans la direction qu'il suit, Lina court affolée. C'est vers elle qu'il dirige aussitôt sa monture. Son lasso, déjà détaché et déroulé, tourbillonne au-dessus de sa tête. Je le vois au mouvement de son bras. Il le lance. Oh, fatale adresse ! Lina est prise, brutalement renversée. Je cours aussi vite que mon épuisement me le permet, appelant. Hélas, le vaquero sait mesurer les distances. Il ne s'inquiète pas de moi, lit sa proie. Elle n'est plus qu'une chose, qu'une momie sans défense, l'infortunée Lina. Et Severino la soulève, la place en travers de sa selle. Agile, il réussit à se mettre à cheval, prend alors la jeune fille dans ses bras et faisant un crochet, il manœuvre pour regagner le bois. J'ai déchargé le second coup de mon fusil par acquis de conscience. J'ai couru jusqu'à ce que la laine me manquât, puis, désespéré de mon impuissance, je regarde fuir le ravisseur.